Vraiment trop bien cette soirée fondue. Mais Patrick, ça va? Oula, non, je crois que j'en ai trop pris là. Oh. Ouais, tu devrais peut-être arrêter là. Oh. Ouais, y a pas à dire, là je me sens pas bien. Ouais Patrick, là tu commences à saturer, viens, on s'en va. On en a bien profité.